Nous vous saluons tous ce soir au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Tuko na misalimia nyote mangaribi ya leo mujina Bwana wetu Mwokozi na Mfalme Yesu Kristo. Je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Mimi nimealika mpate kusimama. Nous lirons dans l'Évangile selon Luc. Tutasoma mwinjili ya Luka chapitre 19. Sura ya 19. Nous lirons à partir du premier verset. Tutaanzia kumstari ya kwanza jusqu'au verset 10. Tafika kwa kumstari 10. Ensuite nous lirons dans Luc chapitre 15. Kisha tutasoma Luka sura 15 à partir du verset 11. Kuanzia kumstari ya 11. Je l'ai aimé, je l'ai aimé, parce qu'il m'a élevé bien. Il a dit mon salut, s'il est moi. Baba yetu aliye mbinguni, Dieu tout puissant, Mungu wa uwezo yote, dans le nom de ton fils Jésus Christ, mujina mwana wako Yesu Kristu, nous venons à toi ce soir, tunakuja kwako mangaribi ya leo, pour te remercier, njoo kupitia asante, pour te louer et glorifier ton nom, njoo kusifu na kutukuza jina lako, pour le privilège que tu nous accordes, njoo ile faida tena unayotupatia, de pouvoir nous rassembler, ya kujikusanya pour écouter ta sainte et précieuse parole. Il est écrit là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Nous nous réjouissons de ta présence au milieu de nous. Parce que nous croyons que tu es un Dieu fidèle. Les cieux et la terre passeront. Et ta parole ne passera point. Pardonne nos fautes. Pardonne nos manquements. Lave-nous dans le sang de Jésus-Christ. Efface toutes nos transgressions. Guéris toutes nos maladies. Et toutes nos infirmités. Nous voulons maintenant lire ta parole. Ce livre est sacré. Et nous ne sommes que des hommes. Ignorant et faible. Nous ne voulons pas qu'un mortel parle au milieu de nous. Parce que les paroles de tout homme étaient mensonges. Mais toi, tu as les paroles de la vie. Complète ta bonne parole qui dit. Dans les derniers jours, personne n'enseignera son concitoyen. En disant qu'on est l'Éternel, mais que tous seront enseignés de Dieu. Envoie le glorieux Saint-Esprit, qui est l'auteur de ce livre, pour nous en donner l'interprétation. Nous nous recommandons à ta grâce. Envoie l'onction sur les prédicateurs, et sur tout un chacun d'eux. Car c'est l'onction qui enseigne. Accorde le Père pour notre édification et pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc chapitre 19. Luca sura 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Yesu alingia mu Yeriko na anza kutambuka ile muji. Asseyez-vous s'il vous plaît. Mwikali. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Natazama mtu mtajiri jina lake Zakayo mkubwa wa watu za kodi. Cherchait à voir qui était Jésus. Alikuwa anatafuta jua Yesu ni nani. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Lakini hashikuweza kuya juu ya kundi lilikuwa munene. Car il était de petite taille. Sababu yalikuwa wa kimo kidogo. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Akakimbia kumbele na kapanda kumucha mkuyu. Pour le voir parce qu'il devait passer par là. Njua kumuona sababu yeye Yesu alipasha kupitia pale. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, wakati Yesu alifikia pale fazi, leva les yeux lui dit. Akalamusha macho na kamwambia, Zachée, à toi de descendre. Zachée, fanya haraka ushuki. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Sababu inafai leo nibakie mnyumba yako. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Zakayo akafanya haraka mkushuka na kampokea na furaha. Voyant cela, tous murmuraient et disaient. Bote bariona vile wakaanza kusema chini chini na kusema. Il est allé loger chez un homme pécheur. Arenda kuikala kwa mtu mtenda dhambi. Mais Zachée se tena devant le Seigneur lui dit. Lakini Zakayo akashima mbele ya Bwana akamwambia. Voici Seigneur. Tazama Bwana. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ninapatia maskini kipande ya mali yangu. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un. Na kama nilikosea mtu. Je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, Yesu le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Okovu ningia leo mwinyumba, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Sababu unai pia ni mtoto wa Ibrahim. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Sababu mwana wa mtu alikuwa kutafuta na kuokoa kile kilikuwa kimekuwa kwenye kupotea. Luc chapitre 15. Luka sura 15. Nous lisons à partir du verset 10. Tunaanzia mstari 10. De même, je vous l'ai dit. Vile vile mine miambia, il y a de la joie devant les anges de Dieu. Kuko fura mbele ya bamalaika ya Mungu, pour un seul pécheur qui se repent. Juu ya mtenda zambi ule moja anatubu. Il dit encore. Akasema tena. Un homme avait deux fils. Mtu mwalikuwa na batoto banaume bawili. Le plus jeune dit à son père. Kijana akamwambia baba yake. Mon père. Baba yangu. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Unipatie ko sehemu ya mali inapasha kuwa yangu. Et le père leur partagea son bien. Na baba kabagawanya mali yabo. Peu de jours après. Kisha mashiku. Le plus jeune fils ayant tout ramassé. Mule kijana kalokota byake byote. Parti pour un pays éloigné. Akaenda munchi mwa mbari. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Akaponda byake byote mukuishi mubusharati. Lorsqu'il eut tout dépensé. Wakati aliweza kuponda byote. Une grande famine survint dans ce pays. Nja munene kakuwa mwile inchi. Il commença à se trouver dans le besoin. Nakajikuta samuitaji. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Akaenda kutumikia mukaji mwa mwile inchi. Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Ulari mutuma mashamba yake akachunge banguruwe. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Alipenda shibisho na ile chakula banguruwe alikuwa anakula. Et personne ne lui en donne. Lakini hakuna mtu alikuwa anampatia. Etant rentré en lui-même. Kisha kurudia yeye mwenye ndani yake. Il dit combien d'ouvriers chez mon père. Akasema batenda kazi bangapi kwa baba yangu. On dit en abondance. Beko na mkate kwa hoteli. Et moi ici je meurs de faim. Na mimi huku nakufa na njaa. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Tenda kwa baba yangu. Et je lui dirai mon père. Na mitamwambia baba yangu. J'ai péché contre le ciel. Nilitenda dhambi kumbingu. Et contre toi. Na kwako wewe. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Sistahili niitiwe mwana wako. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Unibebe sa mmoja watenda kazi yako. Et il se leva et alla vers son père. Na kalamuka kaenda kwa baba yake. Comme il était encore loin. Vile alikuwa ingariki mbali. Son père le vit et fut ému de compassion. Baba yake kamuona akakuwa na huruma akamshika huruma. Son cou et l'embrassa. Akaenda kumkumbatia kambusu. Le fils lui dit. Mwana kamwambi. Mon père. Baba yangu. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Mitendia mbingu nzambi na kuona kwako wewe. Je suis digne d'être appelé ton fils. Shisali nitiwe mwana wako. Mais le père dit à ses serviteurs. Lakini baba kaambia batenda kazi yake. Apportez vite la plus belle robe. Mulete nkanzu ile nzuri. Et revêtez-le. Na mumvike. Mettez-lui un anneau au doigt. Mpatie naye hata lukipete kumkono. Na mi vilato kumiki. Amenez-le vos gras. Mulete ule ngombe wa mafuta. Na mumuue. Mangeons et réjouissons-nous. Tukule na tufurahi. Car mon fils que voici. Sababu mtoto yako nguyu était mort. Alikuwa mwenye kufa. Il est revenu à la vie. Na anarudia kubuzimu. Il était perdu. Alikuwa mwenye kupotea. Il est retrouvé. Na anapatikana. Ils commencèrent à se réjouir. Na bakaanza kufurahi. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kusomea neno yake. Nous continuons notre sermon d'hier. Tuko naendelea na mahubiri yetu ya jana. Intitulé Zachée. Yenye kuita Zakayo. Hier nous avons vu Jana Turiona que Jésus devait passer par la ville de Jéricho. Ya kwamba Yesu alipasha pitia kule kumuja Jéricho. Et dans cette ville se trouvait un homme riche. Na mule muji kulikuwa mtu mtajiri appelé Zachée. Mwenye kuitwa Zakayo. Zachée voulait voir qui était Jésus. Zakayo alipenda aone Yesu ni nani. C'était un homme de distinction. Alikuwa ni mtu wa kavumu. Il était riche. Alikuwa mtajiri. Et Il était de petite taille. Il prit la décision de monter sur un sycomore et de se camoufler parmi les feuillages pour passer inaperçu. Quand Jésus arrive à l'endroit où Zachée était monté sur un sycomore, le Seigneur s'arrêta, leva les yeux, akanamusha macho, et appela Zachée par son nom. Nakamuita Zakayo kwa jina lake. Zachée, Zakayo, à toi de descendre. Fanya haraka ushuki. Car il faut que je demeure dans ta maison. Sababu nafaa nikikale kunyumba yako. La Bible déclare. Biblia nasema. Zachée s'est hâte de descendre. Zakayo kafanya haraka juu ya kushuka. Et il est reçu avec. Nakampokea Yesu na furaha. Et Frère Branham dit, Branham anasema, lorsque Zachée descendit, wakati Zakayo alishuka, il s'est mis à se repentir. Arianza ni kutubu. Nous avons vu une grande leçon. Tuliona mafundisho ya munene sur la repentance. Yulu ya kutubu. Quand nous lisons dans Matthieu, wakati tunasoma Matayo, au chapitre 3, msura ya 3, au verset 1, en ce temps-là, Paris, Jean-Baptiste prêcha dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste était le prophète promis. C'est lui qui devait venir avant les jours de la grâce. Avant les jours du salut, mbele ya siku ya wokovu, pour présenter le Seigneur Jésus-Christ, njia kumuonesha Yesu Kristo mbele ya batu, devant le peuple, mbele ya batu. Il est un prophète, alikuwa ni nabii, rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, mwenye kujaza Roho Mtakatifu tangia mtumbo wa mama yake, pendant qu'il était dans l'adolescence, wakati alikuwa mkipimo cha kidogo, fut conduit par le Saint-Esprit, aliongozwa na Roho Mtakatifu, à vivre loin de la civilisation, akaishi mbali na kizungu, dans le désert, mule mujangwa. Il avait un accoutrement étrange. Il était vêtu d'une peau de chameau. Il avait une alimentation étrange. Il nourrissait des sauterelles et de miel. Il fut conduit par le Saint-Esprit et se présentait devant Israël et de prêcher. C'était au bord du Jourdain. Le Seigneur rend témoignage de son ministère. Il dit c'est un grand homme, un grand prophète, mais tout son message était centré sur la repentance. Quand Jean fut livré, wakati Yohane bari mutoa, Jésus-Christ le Fils de Dieu, Yesu Kristo mwana wa Mungu, entra en scène, akiingia na yeye mukibeta sasa, et il prêchait l'évangile de Dieu, alikuwa anahubiri injili ya Mungu, son premier sermon, mainjili yake mahubiri yake ya kwanza, Matthieu chapitre 4, Matayo sura ya 4, verset 12, mstari wa 12, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, Yesu alijulisha sema Yesu Yohane bari mutoa, se retira dans la Galilée, akatoka mule mu Galilea, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, atoka mu Nazareth akaenda ku Capernaum, situé près de la mer dans le territoire des Zabulon de Neftali, mukaji ya Zabulon, verset 17, Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il commença son ministère, il prêchait et disait, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les jours de la Pentecôte, Pierre, Petro, qui avait reçu les clés du royaume, prêcha l'évangile de Dieu, le message divin, son premier discours après l'effusion du Saint-Esprit. Ceux qui écoutaient son discours, ils le cœur transpercé. Ils se disent, homme frère, que ferons-nous Actes Apôtres chapitre 2 verset 35. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: oh mes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Nous avons un autre apôtre. L'apôtre Paul. Paulo. Lui n'a pas marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme tous les disciples. Lui rencontra le Seigneur sur le chemin de Damas. Il connut Jésus par révélation. Il déclare: l'évangile que je prêche, je ne l'ai reçu ni à prix d'un homme, je l'ai reçu par révélation de Jésus-Christ. Lui aussi, qu'est-ce qu'il prêchait? Dans sa défense devant le roi Agrippa. Actes des Apôtres chapitre 26, verset 20, la Bible déclare: si nous pouvons commencer par le verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Assez de Damas d'abord. Puis à Jérusalem. Dans toute la Judée. Et chez les païens. J'ai prêché la repentance. Et la conversion à Dieu. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Paul. Qui était un vase choisi pour instruire les gentils. Lui aussi, dans sa défense devant le roi Agrippa, il dit: anasema, je n'ai point résisté à la vision céleste. À Damas, à Jérusalem, et dans toute la Judée, j'ai prêché la repentance et la conversion. Nakugeuka. La conversion à Dieu. Kumugeukia Mungu. Et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Nakutumikia matendo na stahili kutubu. C'est pourquoi Jokwaman. Pierre, Petro, poussé par le Saint-Esprit, Mwenyekusukumarumtakatifu, dans les Actes chapitre 3, Mumatendo mitumesura kiatatu, au verset 19, Mustara kuminatisa, il dit: akasema, repentez-vous donc, mutubu basi, et convertissez-vous, namugeuke, pour que vos péchés soient effacés. Kusudi manzambi yenu pate kuzimishwa. La repentance, kutubu, a été donnée aux païens. Baripatia ebapaganu. Pour avoir la vie. Les païens ne connaissaient pas la repentance. Pour que les païens aient la vie, Dieu a accordé aussi la repentance aux païens. Actes des Apôtres chapitre 11, au verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Ici, c'est lorsque Pierre fut invité chez Corneille, kwa Corneille, qui était un soldat romain, wa Kiroma, qui était un païen, qui avait reçu la visite d'un ange, kwa malaika, qui lui a envoyé mutuma, pour qu'on appelle Pierre, Petro, pour qu'il vienne dans sa maison, pour qu'il leur montre les choses qui concernent un salut. Pierre était à Joppé. Chez Simon le corroyeur. Il vit d'abord une vision. Une nappe qui descendait du ciel. Où il y avait toutes sortes de quadrupèdes. Et la voix lui dit: tu et mange. Il n'y a rien de souillé, n'est jamais entré dans ma bouche. Cela se répéta. Et après, il y avait des hommes qui était envoyé par Corneille. Et Pierre fut conduit par ses hommes jusque chez Corneille. Pierre leur annonça l'évangile de Dieu. Il crut. Il reçut le Saint-Esprit et furent baptisés. Quand Pierre voulait repartir, il les priait de rester avec eux quelques jours. Pierre resta chez Corneille, mangeant et buvant avec eux. Maintenant, quand Pierre fut retourné à Jérusalem, les apôtres les convoquèrent pour le reprendre sur sa conduite. C'est alors qu'il leur expliqua tout ce qui était arrivé. Et la Bible dit, tout s'est calmé. Les apôtres, tout s'est calmé. Devant les témoignages de Pierre, et il glorifiait Dieu. Et il dit, Dieu a donc accordé aux païens la repentance afin qu'ils aient la vie. La Bible dit, Biblia nasema, Dieu sans tenir compte du temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu yote, même à Kambov, Kambov qu'ils ont à se repentir. Banapasha kutubu. Acte des Apôtres chapitre 17 verset 30. Dieu sans tenir compte du temps d'ignorance Mungu bila kuangara mawakati ya bujinga, annonce maintenant à tous les hommes sasa kubatu bote, en tout lieu mahali popote, qu'ils ont à se repentir ya kwamba banapasha kutubu. Le nom de Jésus-Christ a glorifié. Jina bwana Yesu Kristo tukuzwe. La repentance kutubu est le premier pas. Njo atua ya kwanza. Dans la vie d'un disciple qui se tourne vers le Seigneur. Mu maisha ya ule mtumishi anamgeukia Bwana. Après la repentance, kisha kutubu, il y a la conversion. C'est-à-dire, celui qui volait, il ne vole plus. Celui qui mentait, il ne ment plus. Et celui qui s'est repenti prend soin de réparer ses torts. Ça, c'est très important. Dans l'église primitive, mukanisa ya kumwanzo, ceux qui avaient cru venaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Barikuwa na kusema bile walikuwa washakufanya. Actes des Apôtres chapitre 19. Matendo ya Mitume sura 19. Verset 18. Mstari 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru bamingi bale bariamini venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Barikuwa kukiri na kusema bile walikuwa washakufanya. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques et ayant porté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde. On en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Namunguvu. Ceux qui avaient cru. Bale bariamini. Ceux qui s'étaient tournés vers Dieu. Bale barumgeukiaka Mungu. Non, se tourne vers le Seigneur par la repentance. Banamgeukiaka Mungu ni kupitia kutubu. Ils venaient confesser. Barikuwa na rukuya sasa kukiri. Et déclarer ce qu'ils avaient fait. Na kusema bile biote lokwa washakufanya. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ule unaficha manzambi yake ashendelea kamwe. Mais celui qui les avoue. Lakini ule anasema wazi wazi. Et les délaisse. Na anayachilia. Obtient miséricorde. Anapokea rehema. Miséricordieux. Rehema signifie celui qui est enclin à pardonner. Rehema ni kusema ule ko tayari kusamehe. Celui qui s'est réellement repenti. Ule aritubu akika. également soin de mettre sa vie en ordre. De réparer ses torts. Ça signifie. Vous ne pouvez pas avoir volé un objet. Et garder l'objet volé dans votre maison après la réparation. Non. Vous devez prendre l'objet mal acquis. Et aller restituer ça au propriétaire. Ça si vous avez exercé les arts magiques. Kama ulitumia ile majende. Vous êtes franc-maçon. Uko au kifranc-maçon. Vous êtes dans la croix dans la rose croix. Uko mu wa rose croix. Vous êtes dans les sciences occultes. Uko mwale ma bintu bya bangiza. Vous devez amener. Unapasha kuleta. Les ustensiles avec lesquels vous avez exercé ces arts-là. Ma vyombo ile yote tumikisha nayo ile makazi. Devant les serviteurs de Dieu. Mbele ya batumishi ya Mungu. Pour que cela soit détruit par le feu. Kusudi upate kuilungusha na moto. Vous qui avez pris des fétiches. Vous ne devez pas dire je me suis déjà repenti. Pendant que vous gardez les mêmes gris-gris. Vous gardez les mêmes fétiches. Et vous dites que vous êtes repenti. Non. Non. Celui qui se repent prend soin de réparer cet homme. Celui qui se répand du mensonge. Vous devez voir la personne à qui vous avez menti. Unapasha kwenda kumwona yule mtu wale ulilandaka. Pour réparer. Juu ya kutengeneza. C'est très important. Iku ya mafasa. La Bible dit. Biblia nasema. Ceux qui avaient exercé les arts magiques. Bale walitumia ile mambo ya majende. Quand ils avaient amené les livres de magie. Wakati walete ile mabitabu yabo ya majende. Et que cela avait été détruit. Na wakati walibilungusha. Cela a fait que la parole de Dieu puisse croître avec puissance et force. Ile ilifanya neno ya Mungu ipate kukomea na uwezo na nguvu. Ce qui a secoué notre province. Joel ritenkeshaka jimbo yetu. Quand ce message est entré. Wakati ujumbe ringiaka. Des agents qui travaillent dans des entreprises. Bato wana tumika mwa kampuni. Qui s'étaient repentis. Bale walikuwa bashakuti bari tubu. Ils retournaient beaucoup de choses. Walikuwa narudisha mabitu bya mingi. Qu'ils avaient volé. Bile walikuwa bashakuiba. Et c'est ce qui a fait que les chefs d'entreprise. Ndio yalifanya bakuwa wa kampuni. Ont eu confiance dans le frère qui croyait au message biblique du temps de la fin. Baruweka matumaini ndani ya banduku walikuwa bashakuamini kujumbe wakati ya mwisho. On leur a confié des responsabilités. Parce que les employés savaient que eux, ils ne volent pas. Aujourd'hui, Léo, un frère prend un autre frère pour travailler dans son magasin. Avec toute la confiance que parce qu'il est mon frère par le sang de Jésus-Christ, il va bien protéger mon entreprise. Malheureusement, qu'est-ce qui arrive maintenant? Ce sont maintenant les frères qui sont méchants. Qui vivent leurs propres frères? Où vient cette méchanceté? Beaucoup ont contourné la repentance. Vous êtes dans l'église. Vous êtes dans l'enlèvement. Vous avez les effets volés chez votre frère. Chez vous. Il n'y a pas de ciel pour vous. Il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit pour vous. Vous êtes encore dans la perdition, dans la condamnation. Vous périrez. Revenez à Dieu. Répentez-vous. Convertissez-vous. Réparez les torts. Venez déclarer, confessez ce que vous avez fait. J'étais dans une ville, je ne vais pas citer la ville. un brillant avocat. Qui était un frère en Christ est décédé subitement. Toute l'église était secouée. C'était un membre d'église. Maintenant le témoignage qui est sorti après. Il était dans la magie. Il était dans la rose croix. Voilà pourquoi il brillait. Vous voyez, ce sont des choses impossibles. On est obligé de racheter. Pourquoi? On contourne la répentance. Barisola kutubu. Quelqu'un qui s'est répandu ne peut pas être un enfant de Dieu et en même temps dans la rose croix. Au même moment, il est chez Kankar. Au même moment, il va chez les devins. Non. Vous vous attendez à quoi? Sasa unajongoja kunini? Nul ne peut servir des maîtres sans que l'un d'eux soit trompé. Hakuna mmoja anaweza kutumikia bwana bawili moyo ashikose kumlanganya. Vous devez faire le choix. Unapasha kuchakula. Vous voulez servir le Seigneur. Unakuwa kutumikia Mungu. Vous voulez suivre le Seigneur. Unapenda mfuata bwana. La Bible dit. Biblia inasema. Si quelqu'un veut me suivre. Sema kama mtu anapenda kunifuata. Qu'il renonce. Apate kujikatalia. À soi-même. Jikatalia yeye mwenyewe. Qui se charge de sa croix. Apate kujitwika na msalaba yake. Et qu'il me suive. Na anifuate. C'est très important. Iko ya mafasana. Matthieu chapitre 16. Matayo sura 16. Verset 24. Mstari wa 24. Il est écrit. Mandiko. Alors Jésus dit à ses disciples. Wale Yesu akambia bafuate. Si quelqu'un veut venir après moi. Kama mtu anapenda kunifuata. Qu'il renonce à lui-même. Apate kujikatalia yeye mwenyewe. Qui se charge de sa croix. Ajitwike na msalaba yake. Et qui me suive. Na anifuate. À celui qui voudra sauver sa vie, buzima la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, kwa yangu, la trouvera. Ataipata. Que le nom de Jésus soit glorifié. Jina Yesu tukuzwe. Vous devez renoncer. Unapasha kujikatali. Vous devez vous charger de la croix. Unapasha kujitwika na msalaba. Vous devez vous repentir. Unapasha kutubu. Vous devez vous souvenir. Unapasha kukumbuka. De votre conduite qui était mauvaise. Ile mwenendo wako ulikuwa mbaya. De vos actions qui étaient mauvaises. Ya matendo yako ulikuwa mbaya. Vous devez vous prendre vous-même en debout. Unapasha kujichukia wewe mwenyewe. C'est cela la repentance. Njo kutubu. Vous vous prenez vous-même en debout. Wewe mwenyewe unajikushikia bunya. Vous renoncez à tout. Unajikatala kubioti. Tout ce que vous preniez pour des choses de valeur. Écoutez le témoignage de Paul. Que Dieu nous vienne en aide. Nous qui croyons que réellement nous sommes des croyants. Les têtes arrivées, nous devons faire l'examen de conscience. Philippiens chapitre 3. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ, mon Seigneur. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice. Celle qui vient de la loi. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Que le nom de Jésus soit glorifié. La repentance. Vous devez vous rappeler de votre conduite. Unapasha kukumbuka mwenendo yako. Ézéchiel chapitre 36 verset 31. Ézéchiel 36 mstari 31. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. Unapasha kukumbuka mwenendo yako ya mubaya. Et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Na matendo yako haikuwa ya mzuri. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. Na wewe mwenyewe utajiona unakuwa wabunya. À cause de vos iniquités. Kwa sababu ya maovu yako. Et de vos abominations. Na kwa sababu ya makufuru yako. Toute personne qui parle avec fierté de sa vie passée. Mtu wote unasema na fieri njuu ya maisha yake ya zamani. Il a contourné la repentance. Ule alisola kutubu. Vous qui gardez des photos, vous êtes en mini-jip. Oh, on a chunga ma photo à gauche, voilà, tu m'as jipé tout foupi. Ambifié. Ou chaque takata. Autour de l'alcool. Pembeni à un pombe. Et tu te vantes pour cela. Na, oh, on a dit tout cousa du aile. Nous aussi que vous voyez. J'ai abattu tout qu'on a on a. Nous étions aussi des femmes. Tu rukwa na sheni banamuki. Nous on vivait. Na sheni tu kwa tu kuna ishi. Nous, on sortait même avec des blancs. Ça ne veut rien dire. C'est le péché. Le péché est la honte du peuple. C'est lui qui s'est repenti. Lorsqu'il se rappelle. Que sa vie passait dans le péché. Il rougit. Il a honte. Un pasteur me racontait d'une sœur. Pasteur, moi, quand il a dit si à Dieu d'adam moja. Qui avait été élue Miss Brazzaville. Où le barum tchakula kasawa Miss, mon amour, tu as quoi en zom Brazzaville? Et quelques années plus tard. Na mamia kaki. Elle est venue à la foi. Ariamin. Dans sa repentance. Mugutu bukwa ki. Quand elle s'est rappelée. Wakati kona kumbuka. Du jour de l'élection. Il est chigwa barum tchakula ka. Elle avait été élue Miss. Pale barum tchakula kasema njuma na muki muzuri wa kwanza. Cette journée-là est pleurée. Il est chigwa na kumbuka ranza pa kulia. Elle disait mais. Alko nasema. Comment est-ce possible? Inawezekana tu je. Je m'étais dénudé. Mili vula kama nguo. Pour marcher devant des gens, des hommes et des femmes. Seulement en sous-vêtements et en soutien. Comment est-ce que j'ai pu faire une chose comme ça? Et pleurer, regretter. Voilà l'attitude d'une personne qui est passée par la repentance. Vous qui vous rappelez avec gloire. Et la vie que vous avez passée comme un bandit. Nous aussi, nous nous étions des bandits. Oh, j'étais fort, mais nous étions des bandits. Je frappais les gens. Je frappais les gens. Tu es encore cela. Ungari qui paka ule mule muntu moja moja. Tu as besoin de la repentance. Unahitaji upate kutubu. Revenez à Dieu. Murmurudirie Mungu. Renoncez à ces choses. Repentez-vous et convertissez-vous. Mutubu na mugeuke. Pour que vos péchés soient effacés. Kusudi manzambi yenu upate kujimishwa. Tout celui qui se repent. Wote ule kuna tubu. Il prend soin également. Eko tena nangaikia. De réparer cet homme. Apate kutengeneza mankosa yake. Un conjoint qui a commis adultère. Et qui s'est repenti. Il doit confesser la chose à son conjoint. Sœur. Dada. Vous avez des enfants qui n'appartiennent pas à votre mari. Vous craignez. Vous gardez la chose. Vous demandez pardon à Dieu. Ce n'est pas suffisant. Vous devez réparer cela avec votre mari. Si vous cachez la chose, c'est la chose même qui vous amènera en enfer. Frère, Nduku, vous qui êtes infidèle, et vous cachez la chose à votre épouse, vous demandez seulement pardon à Dieu. C'est la chose même qui vous amènera en enfer. Faites table rase. Vous les jeunes filles, vous devez amener votre virginité au mariage. Vous tout celui qui a commis la fornication avant le mariage, vous devez réparer cela avant le mariage. Vous devez confesser la fornication. Si vous cachez la chose, c'est la chose même. Ni pas que les mambo rufanye. Qui vous amènera en enfer. Je t'ai compris comme adèse. Vous voyez. Mnaona. Nous vivons maintenant. Tu kunaishi sasa. Dans l'hypocrisie. Mubantu ba mansula mbili. Et avec cela nous hébergeons beaucoup de démons. Na ile na njua ile tu kuna weka ndani yetu ba demona ya mingi. Parfois, il y a certaines maladies qui nous attaquent. À cause des péchés confessés. Fais-moi n'en parle. Fais-moi n'en parle de l'histoire d'une jeune femme. Dugurani unasema hadithi ya kijana mmoja mwanamke. Qui vivait dans une certaine ville. Unakuwa naishi mjimwa hivi. Avant de donner sa vie au Seigneur. Mbele yake kuamini. Elle vivait avec un amant. Alikuwa naishi na mpendo wake moya. Et finalement. Na mwisho wa yote. Elle a déménagé. Ariamaka. Pour aller vivre dans une autre ville. Ndio kwenda kuishi mji mwingine. Et dans cette nouvelle ville. Na ile mji mwingine. Elle a donné sa vie au Seigneur. Ariaminyaka. Elle est devenue une chrétienne. Alikuwa sa mukristo. Et un chrétien l'a prise en mariage. Na mukristo mwanaume alimuoa. Mais là, le premier amant. Sasa ule mpendo wake kwanza. Est venu aussi dans la ville où vivait la sœur. Alikuwa samule mji mko anaishi ule dada. Il a rencontré la sœur. Alikutanaka na ule dada. Pour lui dire. Je kumwambia. Je connais tout sur toi. Mimi najua yote juu yako. Tu dois continuer à flirter avec moi. Unapasha pa kwanza kutendelea kutoka na mimi. Si tu ne fais pas, je vais le dénoncer. Kama useme au ifanye mimi nitakuchongea. Et la sœur. Na ule dada. Au lieu de montrer ses couleurs. Bali pa kuonesha rangi yake. Elle a commencé à vivre avec les deux hommes. Sasa anaanza kuishi na ule mwanabwanake wa zamani na ule amant. Na ule et avec son mari légitime. Elle a eu une fille. Et elle avait toujours une condamnation dans son cœur. Elle est allée voir Frère Branham. Frère Branham, comme il avait les dons de discernement, il lui a parlé de la chose. Il dit, Frère Branham, ne dis pas cela. J'ai déjà confessé cela à Dieu. Frère Branham a dit non. Pana. Tu dois aussi réparer cela avec ton mari. Una pasha kutengeneze mambo na bwana yangu. Frère Branham, si je le dis à mon mari, kama mina mwambia bwana yangu, il me quittera. Atenyacha. Si je le dis à ma fille, kama mina mwambia binti wangu, ma fille va se suicider. Binti wangu atejua. Frère Branham a dit, tu dois faire table rase. Unapasha pata kuangalia mambo yote. Si tu caches la chose dans ton cœur, kama unafichile mambo moro yako, c'est la chose même qui t'amènera en enfer. Ile mambo ndio takupeleka mwadeza. Et cela, c'est dans question et réponse. Na ile kundani ya maulizo na majibu. Numéro 2. Namba yake ya pili. Cette question et réponse. Ile maulizo na majibu. Du 23 août 64. Ya mule 23 août 1964. Je vais lire au paragraphe 82. Mita soma munukta makumi mnane na mbili. C'est une question qui a été posée à Frère Branham. Ni ulizo walimwambia kwa ndugu Branham. Si une femme se méconduit. Kama mwanamke mmoja anajiongoza mbaya mundoa, anafanya busharati. Avec un homme marié. Na mtu mwenye kwa mundoa. Si elle se repent. Kama anatubu. Et arrange cela avec son mari. Na tengeneze ile mambo na bwana yake. Selon les écritures. Kufuatana na maandiko. Doit-elle voir l'épouse de l'homme concerné? Anapasha kwenda kuona ule bibi ya ule bwana afanya na busharati. Si c'est rien. Hata ule bibi vile kama chiki. Où est le devoir de cet homme de le lui dire d'abord? Au ni mbele ni mapasha ule mwanaume amwambie mbele. Où est le nécessaire même si elle doit être blessée? Au ni ule dada tena anapasha kumizwa sana. Jusqu'où pouvons-nous aller avec cette réparation? Kufika na wapi tuteze kwenda na ile mambo ya kutengeneza? Quand c'est consommé. Wakati ile mambo yashakufanyika. Et accomplir que l'amitié est en jeu. Na kwa onesho kuona sema burafiki buku mukibeta. Paragraph 83. Nukta makumi mnane na. Eh bien, ma chère sœur. Eh, mzuri dada yangu mpendwa. Il n'y a qu'une seule chose que vous avez faite. Kuku tu kitu kimwa kile ulifanya. Et qui est juste. Na kinye kwa kia waki. Vous étiez impliqué. Ulikuwa mumambo. Je pense que quelqu'un que vous connaissez était impliqué. Na unajua kama kulikuwa mtu mwingine unamjua alikuwa mule mambo. Dans un mauvais acte. Mutendo mwaya mubaya. Où vous avez pris les compagnons d'une autre. Ule ulibeba bwana wa mwingine. Et avez eu une relation intime avec lui. Na ulipatana naye mundoa mwili andoa naye. Et si vous l'avez fait. Na wakati ulifanya. Dès cet instant-là. Mwili wakati ulifanya. Vous êtes déchu de la grâce. Uko mwenye kukataliwa kunema. Donc. Basi, vous vous êtes repenti. Ultubu. Et vous ne pouviez pas vous repentir avant d'être retourné voir cet homme. Na awezi kutubu mbele ya kwenda kumwona yule mwanaume. Pour mettre cette chose en ordre. Dia kutengeneza ile mambo. Vous devez prendre votre mari pour aller voir cet homme. Unapasha ubebe bwana yako nje kwenda kumwona yule bwana mwingine. C'est ce que vous avez fait. Ndio kile ulifanya. Et c'est la chose que vous auriez dû faire. Na njo kile kitu mulipasha kufanya. C'est ce que dit l'écriture. Jo vile maandiko yanasema. Que vous auriez dû faire. Ya kwamba ulipasha kufanya vile. Il n'y a pas longtemps. Akoyako muda mrefu. Une femme de Louisville. Mwanamke wa Louisville. Juste ici est venue me voir. Paka tu hapa kwa kunyonaka. C'est une jeune femme. Ni kijana mwanamke. Elle courait avec un homme. Elle savait qu'elle se méconduisait. Puis elle a quitté la ville. Et s'est allée dans une autre ville. Très éloignée. Mbari. Elle changea de nom et vécut avec les gens. Et cet homme l'a poursuivi et lui dit. Lorsqu'il arriva là-bas. Qu'il en savait long sur elle. Et qu'il devait rester sa concubine. Sinon, il dévoilerait cela. Et pendant qu'elle était là-bas, et s'était mariée à un brave chrétien, il lui dit donc que si elle ne le faisait pas, il dévoilerait le tout. La menaça. C'est pourquoi elle dit vivre avec les deux hommes. Ce qui était mauvais. Au lieu de montrer ses couleurs au commencement. Elle est un enfant. Et maintenant cette fille a environ 18 ans. Elle ne sait pas lequel des deux est vraiment son père. Maintenant elle entre dans la ménopause. Et cela est devenu une obsession pour elle. Maintenant que peut-elle faire? J'ai dit. Il n'y a qu'une seule chose. Elle a dit, si je le dis à mon mari, il va me quitter. Si je le dis à si ma fille l'apprend, elle va se suicider. Et j'ai dit, si vous gardez cette chose dans votre cœur, vous irez en enfer. Maintenant, faites comme vous voulez. Il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est de faire table rase. C'est tout à fait exact. Soyez honnête. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui parmi les enfants de Dieu? Des filles qui vont au mariage déshonorées. Qui n'ont jamais confessé leur fornication à leur mari. Abaya kiraka mankosa yabo mbele ba mume wabo. Vous attendez quoi? Muna jongoja kunini? Le ciel. Bingu. Il n'y a pas de ciel pour vous. Akuna mbingu yenu njia bale bashufanya busharati mbele ndo. Il y a des sœurs. Kuko badada. Qui cassent les adultères. Beko na fichika mu busharati yabo na kukanisa. Vous attendez quoi? Muna chunga nini? Il n'y a pas de ciel pour vous. Akuna mbingu yenu. Les adultes mériteront pas le royaume. Vous devez réparer cela. Voilà pourquoi trop de méchanceté. Trop de cœur dur. Les femmes têtues vis-à-vis de leur mari. Pourquoi? Parce qu'elles cachent des démons dans leur vie. Sababu bena fichika ma démon na maisha yabo. Et ça c'est le prophète de l'heure. Ni nabii wa hii siku wa leo. Si vous entendez ce soir, j'ai prêché dans une ville. Et monastère, il y a eu moja. Et après, une femme respectable m'a suivi. Dans les bureaux des prédicateurs. Vous me dites, mes frères, ce que tu prêches là, c'est ma vie. Parmi mes enfants. Il y a un garçon qui n'appartient pas à mon mari. Mon mari ne connaît pas. Frère, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je fais le choix. Entre le ciel et l'enfer. Si vous gardez la chose, vous conserverez le mariage, mais il n'y aura pas de ciel pour vous. Et rappelez-vous que notre vie sur la terre est courte. Qu'est-ce que vous gagnerez en cachant cette chose? Ça utapata nini mkufiche le mambo. Si vous devez perdre le mariage, gagnez le ciel. Kama unapaswa kupoteza ndoa, upoteza, lakini upate mbingu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina Yesu Kristo tukuzwe. Et cela nous ramène au fils prodigue. Na ile netupeleka sako huyu mwana mpotevu. La parabole que nous avons lue au début. Fumbo tulisoma ku mwanzo. Un jeune un riche propriétaire. Mutajiri moya wa mali. Avait deux fils. Arkona batoto banome bawili. Le plus jeune dit à son père. Kijana ula kambia baba yake. Donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Unipatie sehemu ya mali yangu. Et le père leur partagea son bien. Na baba akabagawanya mali yake. Et le prisonnier y a tout ramassé. Naouli kijana kalokota biake biote. Il parti pour un pays lointain. Akaenda kumuji mwa yambari, nchi mwa yambari. Où il vivait dans la débauche. Kula renda kuishi mubusharati. Et il dissipa tout son héritage. Na akapoteza uriti yake yote. Après avoir dissipé tout son héritage, kisha yeye kumaliza uriti yake yote. Il se trouva maintenant dans les besoins. Akajikuta sasa mtu mhitaji. Il n'avait pas de quoi payer son hôtel. Ashikuwa na fedha kulipa kufazi yake kulala. Il n'avait pas de quoi payer la nourriture. Ashikuwa na fedha kulipa chakula. Il avait pratiquement tout vendu. Alikuwa ashakuzisha byote. Se trouva dans la misère. Akajikuta katika mateso. C'est alors qu'il a appris qu'il y avait un fermier. Jopo aliona sema aliojua sema kuku mtu mmoja kuna mashamba. Qui élevait des porcs. Alikuwa anavuka bangunguruwe. Et il alla se mettre au service de ce fermier. Na kaenda kutumika kwa ule mtu wa mashamba. Pas pour travailler, kutumika, mais il voulait se nourrir de la nourriture que mangeaient les poussins. Pour survivre. Apate kuishi. Parce qu'il allait à coup sûr mourir de faim. Djou, atika, arpasha kufa na njala. Mourir de la malnutrition. Arpasha kufa na kuskuria kubaya. Mourir de la maladie. Arpasha kufa na magonjwa. Voilà pourquoi il allait se mettre au service d'un fermier. Kujiweka mkazi ya ule mvukaji. Pour se nourrir de la nourriture des porcs. Je apate kwanza kure ile chakula ya banguruwe. Et ce fermier était un homme sévère. Lakini ule muntu mvukaji alikuwa ni muntu mkali. Quand il donnait la ration. Wakati akoleta ile chakula ya ya banguruwe. Il était lui-même là. Yeye alikuwa paka pale. Il fallait que chaque kilo. Inafaa ile kipimo ile alikuwa shakupima. Ipate mapate kuipatia kwa banguruwe. Et même la nourriture des pourceaux. Chakula ya banguruwe. Personne ne lui a donné. Hakuna mtu alikuwa anampatia ule kijana. Il était maintenant dans la misère. Alikosa katika mateso. Maintenant la Bible dit, étant rentré en lui-même. Biblia sayo nasema kisha ikurudia ndani yake. Étant rentré en lui-même. Kisha ikurudia ndani yake mwenyewe. Akasema. Combien de mercenaires? Batenda kazi ngapi? Onde la nourriture en abondance mon. Beko na chakula ya mingi kwa baba yangu. Et moi ici. Na mi huku. Je meurs de faim. Niko na kufa na njala. Ce n'est pas à cause de la faute de mon père. Aina kwa sababu ya nkosa ya baba yangu. C'est parce que moi-même. Ni juu mimi mwenyewe. Je suis un mauvais garçon. Niko kijana mbaya. Parce que quand il partait. Njua kati alikuwa anatokaka. Il avait une haute opinion sur lui-même. Alikuwa na kujiwazia kwa mingi. Il avait un grand moi. Alikuwa na ile sema mie mie. Il se bombait les torses. Alikuwa anajipika mkilari. Mais ce jour-là. Lakini ile siku. Quand il sentait sa mort prochaine. Wakati anaona lufu lake linakaribia. Il rentre à lui-même. Kisha yeye kurudia ndani yake. Il renonça à son grand moi. Akachilia ile mie mie mie. Il réalisa qu'il était un vaurien. Akatambua sasa shukwe mtu wa kawaida. Que tout ce qu'il avait fait. Biote bifanya. Il avait mal fait. Alifanya paka mbaya. Et qu'il n'aimait pas digne. Na shukustahili. D'être appelé le fils de ses papas. Aitwa ta mtoto ule baba ule mtajiri. À cause de sa mauvaise conduite. Kwa sababu ya mwenendo wake mbaya. À cause de ses actions qui étaient mauvaises. Kwa sababu ya matendo yake yalikuwa ya mbaya. Il dit je ne suis pas digne. Asema mishi stahili. Il s'est condamné. Alikuwa na jukumu. Il s'est repenti. Alikuwa alitubu. Il je me condamne, je me repens. Asema mimi natubu mimi na jukumu. Il est paresse là-bas. Ashibake tu pale. Il a pris la résolution. Akabeba mpango. D'aller réparer son forfait. Enda katengeneze mankosa yake. Devant le père. Mbele ya baba yake. Il dit je me lèverai. Asema mimi nitalamuka. J'irai vers mon père. Na mitenda kwa baba yangu. Pour lui dire. Je kumwambia. C'est contre le ciel. Ni kumbingu. Et contre toi. Na kwako wewe. Que j'ai péché. Je mitenda zangu. Je ne suis pas digne. Shistai. De traper ton fils. Ni tu mwana wako. Traite-moi. Unitende. Comme l'un de tes messes. Sawa mmoja watenda kazi yako. Et la Bible dit. Na Biblia nasema. Il se leva. Akalamuka. Combien il était misérable. Vile alikuwa mtu wa mateso. Il était devenu tout maigre. Alikuwa shakukonda. Il avait perdu la santé. Alikuwa shakupoteza afya yake. Il n'avait pas de jolis vêtements. Ashikwete na mavazi ya mzuri. Il était en ayo. Alikuwa mwa mungu wa kupasuka. Il prend mauvaise santé, les cheveux bourrifères. Il devient misérable. Lorsqu'il partait, il partait bomba les torses. Il revenait. Il venait se cacher dans l'eau des. Et son père qui était devant la parcelle. Regarda de loin. Il reconnaît son fils. Qui était perdu. Qui était mort. Et le fils arriva. Et le père l'embrassa. Le père était, le fils était en pleurs. Le pleur de repentance. Il dit, Père, c'est contre le ciel et contre toi que j'ai péché. Je ne suis pas digne de te rappeler ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ours. Le Père dans la joie. Demanda à son serviteur de lui apporter des nouveaux vêtements pour qu'il soit revêtu. Alors que le fils pleurait, alors qu'il pleurait, le père était dans la joie. Le fils pleurait, le père était dans la joie. Alléluia. Amen. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. Pour un seul pécheur. Qui se répand. Quand le pécheur se répand. Pendant que le pécheur pleure. Le ciel est dans la joie. Regardez le langage du Père. Lorsque son frère est venu. Très mécontent. Il lui a dit. Mon fils, c'est ce que tu vois. Était perdu. Maintenant, il est retrouvé. Il était mort. Maintenant, il est revenu à la vie. Et il commençait à se réjouir. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Voilà le modèle de la repentance avec la réparation des torts. Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup maintenant beaucoup de méchanceté? Ça, Johnny Léo Koukouma Boubaya Bouamingi. Tu mens, tu mens, tu mens. On a l'anda. Tu n'as jamais réparé ça. Ah oui, il y a Tengenezak. Et tu attends l'enlèvement. Naoko Rangendela Kuchunga Paka Kunyakuli. Tu commets adultère. On attend la Boucharati. Tu ne répares pas. Ah oui, Tengenezi. Tu vas au mariage déshonoré. On est dans mon dos, chaque fois que ça vous bikira. Tu ne répares pas. Ah, ou t'engenez pas. Il y a même certaines femmes qui conseillent. Na kuwa taba na mukebe wana shauri. Non, ils ne font pas dire ça. Apana usema ile. Ça c'est le diable. Il est ni shaitan. Si vous ne vous répentez pas, vous périrez. Amutubu mutakufa. Confessez les péchés les uns les autres. Mukiri manzambi ba moja kwa bengine. Que le nom de Jésus soit glorifié. Jina Yesu tukuzwe. Et même notre relation avec Dieu. Atanye mapatano yetu na Mungu. A toujours été interrompu par un péché inconfessé. Inigaka poka ibena ikata na nzambi mwa ile atuyakiri. Ah. Lorsqu'il y a un péché inconfessé dans notre vie. Wakati mungu tu nzambi mwa atuyakiri mwa ile. Notre relation avec Dieu est interrompue. Mapatano yetu na Mungu inavunjwa. Jusqu'à ce que tu répares. Kufika paka na pale utatengeneze. Très important. Iku ya mafasana. Yohane wa kwanza Jean chapitre 1 Yohane wa kwanza sura ya kwanza Lisa partie de verset 5 kwanza mstari wa 5 La Bible déclare Biblia inasema Si nous gardons ses commandements Kama tunachunga maamri yake Nous savons par cela tunajua kupitia ile que nous l'avons connu. Ya kwamba tunamjua. Celui qui dit je l'ai connu, ule anasema mimi namjua, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Ni muntu muongo. Et la vérité n'est point en lui. Na ukweli na ndani yake. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Na mapendo ya Mungu katika kamili ndani yake. En celui qui garde sa parole. Mwaula na chunga neno lake. Par cela nous savons kupitia ile tunajua que nous sommes en lui. Ya kwamba tuko ndani yake. Celui qui dit qu'il demeure en lui. Yule anasema anadumu ndani yake. Doit marcher aussi comme il a marché. Anapasha kutembea vile na yeye mwenyewe alitembea. Amen. Amen. Là où je lis, c'est ailleurs. Je rentre. Inarudia. C'est premier chapitre de Jean chapitre 1. Yohana wa kwanza sura ya kwanza. OK. Verset 5. Mustara tano. La nouvelle que nous avons appris de lui. Habari tujifunza kwake. C'est que nous vous annonçons. Yeye tunamtangazia. C'est que Dieu est lumière. Nilisema Mungu ni nuru. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Na hamna ndani yake majiza. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui. Kama tunasema tu katika ushirika naye. Et que nous marchons dans les ténèbres. Na tu unatembea mumajiza. Nous mentons. Tunalanda. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Na pala tutumikie ukweli. Mais si nous marchons dans la lumière. Lakini kama tunatembea mu nuru. Comme même dans la lumière. Vile yeye mwenyeko nuru. Nous sommes mutuellement en communion. Tuko kila wakati mumshirika. Et le sang na damu ya mwana wake Yesu. Nous purifie de tout péché. Hii kunatutakasa kuzambi yote. Si nous disons que nous n'avons pas de péché. Kama tunasema tuna na zambi. Nous nous séduisons nous-mêmes. Tuko najitongoza shebeli. Et la vérité n'est point à nous. Na ukweli na ndani. Si nous confessons nos péchés. Kama tunakiri mazambi yetu. Il est fidèle et juste. Eko mwaminifu na mwenye haki. Njoo kutusamehe hayo. Et pour nous purifier. Kwa kututakasa de toute iniquité. Uovu yote. Alléluia. Amen. Lorsque nous commettons un péché, wakati tunatenda zambi, le péché interrompt. Zambi kunasimamisha notre communion avec le Père. Ushirika yetu na Mungu. Il faut que nous puissions confesser ces péchés-là. Inafaa tupate kukiri le zambi pour retrouver la communion avec le Père. Ndio tupate kurudia katika ushirika na Baba. Et vous verrez que quand vous êtes dans la vie des péchés, et même votre cœur ne sera pas tranquille. Le cœur va vous condamner. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 3. Verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Pas que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina Yesu Kristo tukuzwe. Repentez-vous. Mutubu. Et convertissez-vous. Na mugeuke. Pour que vos péchés soient effacés. Kusudi manzambi yenu pate kusamehewa. À cette Damas. Kubali ba kudamasika. Et à Jérusalem. Na ku Yerusalema. J'ai prêché la repentance. Nilihubiri kutubu. Et la conversion à Dieu. Na kugeuka kwa Mungu. Et la pratique des œuvres dignes de la repentance. Na kutumikia matendo na stahili kutubu. Un homme ou une femme qui s'est réellement repenti. Mwanaume au mwanamke wa ritubu bia kweli. Eko natoa les œuvres dignes matendo ya kustahili de la repentance. Ya kustahili kutubu. Si vous avez toujours un cœur dur. Kama ungariki paka na moyo ya nguvu. Vous êtes méchant. Ungariki paka mtu mubaya. Vous avez contourné la repentance. Pale ni kusema urienda mpembeni ya kutubu. Revenez. Murudie. Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Mungu ashitake lufu la mtenda zambi. Ce que Dieu désire. Kile Mungu anataka. C'est que le pécheur abandonne sa voie. Ni kusema mtenda zambi aache manjia yake. Et qu'il revienne à Dieu. Na amurudirie Mungu. Ou ce soir. Dieu ya mangaribi ya leo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.